pour le jackpot. D'ailleurs ici c'est le rêve de chaque pote. Faut que le micro quand je le branche ça claque la prise jackpot. Que je sois adulé par le monde entier, reçu comme Brad Pitt. Rien respecté même si chez moi il n'y a pas de beat. Mes gosses sont cultivés, pas classés dans ce Jordan. Qui basent leur philo sur une paire de Nike Air Jordan. Que le nom propre de ma famille de la misère en ressortit. Même si ça met pas pour autant tous les ragots en sourdine. Quitte à ce que franchement une bonne rafale de série de couleurs fasse afficher de la roulette du destin la bonne couleur. Jamais solitaire en gabi en manque de câlin seul. Pareil à un cadavre aussi refroidi qu'à l'insolite. Celui qui a la remplit la salle comme du clou la salle. Serre dans Marcel, Monzon Robinson moi médaillé. Quand je brasse touche le jackpot. Tant mieux si ça m'est d'aller faire danser en plus du hip hop faire du ballet. Je prends des capes pour gagner jackpot. Dans cette vie tout se plaît, dur de rester au top. Les bons amis changent, les sourds s'effacent, les amis sortent. Ma morale perd pour gagner, personne ne stoppe. Je prends des cartes prêts pour gagner jackpot. Dans cette vie tout se plaît, dur de rester au top. Les bons amis changent, les sourds s'effacent, les amis sortent. Ma morale perd pour gagner, personne ne stoppe. Triste et amer, trop de jeunes dans la rue connaissent la guerre. Des gens perdus des cœurs, fondus, ça durcit comme la pierre. Enfin, mais j'ai le sens du clan. Fidèle à mon encadrement, j'assume mon rôle de porte-parole, y'a quoi maintenant. Je connais les moments nostalgiques, les mauvais coups, les trafics. Pour ça j'agrippe le mic et cours après le jeu. Je prends des cartes, sors tes arts, c'est sauf ta mise. La vie c'est comme un jeu d'hasard, de faux bons de surprise. Hey yo, fume le monde comme Bouddha fume ses spliffs. Avant de finir dans les catombes du système mort ou vif. Réveille-toi, sors ton coma, zappe le repos. Le temps c'est de l'argent et le monde est nôtre. Si on se lève tôt, tu connais ton pot. La misère, personne veut la vie. Pourtant plein d'inconscience s'y accroche et perd l'équilibre. On joue gros, les chances sont minces mais beaucoup s'en moquent. Et combien d'entre nous veulent décrocher le jackpot. Je prends des cartes prêts pour gagner jackpot. Dans cette vie tout se plaît, dur de rester au top. Les bons amis changent, les souris s'effacent, les ennemis sortent. Ma morale perd pour gagner, personne ne stoppe. Je prends des cartes prêts pour gagner jackpot. Dans cette vie tout se plaît, dur de rester au top. Les bons amis changent, les souris s'effacent, les ennemis sortent. Ma morale perd pour gagner, personne ne stoppe. J'ai peu d'amis, trop de haine autour de ma vie. Succès amer au monde jusqu'à mes lèvres. Mon envie derrière, c'est pire des frères se transforme en cire pompé nigneux. La jalousie frappe, certains dévoilent leur vrai visage sans mes pattes. J'ai à peine une carrière entamée. Qu'est-ce que ce sera, dis-moi, quand j'aurai du blé et un buzz d'enfoiré. En attendant, j'ai découvert les vices et les sales gars, les traites, les faux culs, les courbes, les sales contrats et les ingrats, c'est ça la femme. Hein. Mes rêves se brisent, mon cœur se vide, bap, j'ai trop donné. Rien reçu en échange, j'vais pas chialer. Mes morts font mon corps, m'apitoyer sur mon sort. Y'a plus malheureux que moi, ça m'apprendra à jouer les cases à nos valets tendres. À croire que tout va bien, que rien ne peut nous séparer. Que c'est pour la vie jusqu'à la mort qu'on s'est pour durer. Y'a beaucoup d'intérêt en jeu, le vice prend dessus. Les trahisons m'ont déçu, que d'amis perdus si j'avais su. Les cicatrices se referment puis s'envolent mes rêves de gosse. La fidélité se déguise trop souvent en amitié précoce. Mais ça ne fait rien, ça me fortifie. Puis je reprends ma route plus sûr qu'avant mon pote. Sûr que je décrocherai le jackpot. Je prends des cartes prêts pour gagner jackpot. Dans cette vie tout se paie, dur de rester au top. Les bons amis changent, les sourires s'effacent, les ennemis sortent. Ma morale perd pour gagner, personne ne stoppe. Je prends des cartes prêts pour gagner jackpot. Dans cette vie tout se paie, dur de rester au top. Les bons amis changent, les sourires s'effacent, les ennemis sortent. Ma morale perd pour gagner, personne ne stoppe.